Et nous revoici donc Loïc Cartiaga et Mathieu Letourneux en cette fin de nuit très criminelle, puisque nuit spéciale Fantomas il y eut et nuit spéciale Fantomas se termine grâce à vous deux, qui êtes responsables de la nouvelle édition, l'édition intégrale donc chez Bouquin, enfin chez Robert Laffont. Alors on vient d'entendre la fin de Fantomas, c'est bien la fin de Fantomas puisque c'était le 32e roman, en tout cas le 32e roman signé par Pierre Souvestre et Marcel Alain. Mais dites-moi, il y a une suite, donc finalement, le naufrage, qu'est-ce que c'est que ce faux Titanic, là, ça c'est vraiment, et puis est-ce que Fantomas est vraiment le frère de Juve, ou le demi-frère de Juve, enfin... C'est une version qui sera contestée par Marcel Alain lui-même, pourtant il y a beaucoup de témoins, hein, puisque le roman... Le dernier roman est tiré à plus de 40 000 exemplaires, à l'époque ce sont des tirages qui chutent, hein. On avait 100 000 exemplaires pour les premiers, 40 000 pour les suivants, mais... À partir du moment où les deux auteurs alternent l'écriture, quand on dira plus tard à Marcel Alain qu'il y a cette histoire de fraternité assez étonnante, il dira que c'était Souvestre qui avait sans doute eu un peu la fièvre, qui avait terminé un peu vite. Et de manière très significative, quand les personnages resurgissent en 1926, sous la plume de Marcel Alain, ils se souviennent de rien. Ils débarquent sur une plage, je crois que c'est vers Marseille, il me semble. La guerre est passée. Le naufrage est passé loin, mais ils arrivent sur la Méditerranée. Donc on ne saura jamais si son frère, demi-frère, si Hélène est vraiment la petite fille de l'empereur des Indes. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que... Fantomas se découvre une fille qui finira par ne plus être tout à fait sa fille. Il a également un fils. On le soupçonne à un moment d'être le père de Fandor. En fait, tout est mouvant, donc rien n'est fixé. Cette histoire de famille est une histoire dans laquelle tout le monde peut être le frère de tout le monde, le père de tout le monde. Et donc, ça n'a pas d'importance. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, l'important, c'est de lire les deux tomes, la version intégrale des Fantomas de Pierre Souvestre et Marcel Alain, grâce à vous, Loïc Cartiaga et Mathieu Letourneux, qui avaient signé un Fantomas, biographie d'un criminel imaginaire, publié aux Prairies Ordinaires. Un des romans s'appelle Agent secret. Il faut peut-être signaler une exposition qui est jusqu'à fin mars à Paris, à la Bilipo, bibliothèque de littérature policière. C'est rue du Cardinal Lemoine. Ça s'appelle Expionnage. Et on voit évidemment la couverture de ce roman. La semaine prochaine, ben écoutez, l'un des deux va revenir la semaine prochaine, vous, Mathieu Letourneux, voilà, puisque c'est ça. Vous viendrez avec Natacha Levesque, qui est spécialiste des romans policiers, de la culture populaire, nous parler des détectives, parce qu'après une nuit spéciale Fantomas, il faut un petit peu de morale, et on la retrouvera grâce à une nuit spéciale détective, où le bien triomphera. Nuit spéciale Fantomas, à retrouver sur le site France Culture, à la rubrique Nuit spéciale. Philippe Garbi, Myriam Guillot, Hassan M. Béchour, Virginie Mourtet, très bonne journée à toutes et à tous, et à vous deux, donc. Merci Philippe Garbi. It's Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shame.